Il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches. S'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam,